chouette, un copain smartphone. Toi aussi, t'as remplacé? Ouais, il me trouvait trop lent. Emoji escargot. Lol. Mais on va rester longtemps au fond de ce tiroir? Ouais, je sais pas, moi ça fait des années. Je suis vieux, tu sais, j'ai même pas la 3G. Emoji grand-père, essaye de sonner, ça les fera peut-être venir. Ne gardez pas les mobiles et smartphones que vous n'utilisez plus. Faites un geste solidaire et environnemental en les donnant sur jedonnemontéléphone.fr. Service opéré par Écosystème, entreprise à but non lucratif. Écosystème, recycler, c'est protéger. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'étrange affaire Kunstboutboul. Le 27 décembre 1985. Jacques Perrault, médiatique avocat parisien, meilleur ami du Premier ministre Laurent Fabius et mari de la célèbre jockey Dari Boutboul, est assassiné dans la cage d'escalier de son immeuble du 16e arrondissement de Paris. Pour les policiers chargés de l'enquête, c'est un vrai casse-tête. Face à un crime presque parfait, ils doivent imaginer toutes les hypothèses. Pistes politiques, monde hippique. C'est finalement dans le premier cercle de l'avocat Jacques Perrault qu'ils vont concentrer leurs efforts, et plus précisément, du côté de sa belle-famille. Car au cœur de leurs investigations se trouve un étonnant personnage, Marie-Elisabeth Kunstboutboul, la belle-mère de la victime. Grande bourgeoise fortunée, affabulatrice, elle devient vite le pivot de cette interminable investigation. Durant plus de 9 ans, elle va tenter de balader les enquêteurs dans un labyrinthe de mensonges. Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Orlance, journaliste et autrice. Elle a couvert cette enquête pour un journal du Havre, Le Havre Libre. Affaires Sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Gaspard Vallu. Coordination, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Hélène Bizio. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. Vendredi 27 décembre 1985, 16e arrondissement de Paris. Jacques Perrault, avocat parisien de 40 ans, est installé dans le salon de l'appartement de ses parents, situé au 29 de la très bourgeoise avenue Georges Mandel. Et il semble perdu dans ses pensées. Il faut dire que ça fait plusieurs mois qu'il est empêtré dans une tumultueuse procédure de divorce. Sa femme, la célèbre jockey Dari Boutboul, a obtenu la garde de leur fils, et l'avocat ne parvient pas à le voir autant qu'il le voudrait. Non, il se heurte en permanence au refus de sa belle-famille de lui accorder un droit de visite convenable. Mais Jacques Perrault ne compte pas se laisser faire. Il prépare déjà sa contre-attaque. Depuis plusieurs semaines, il enquête sur Marie-Elisabeth Kunstboutboul, sa belle-mère. Car il sait que son passé est trouble. Et il a déjà commencé à déterrer quelques affaires qui, espère-t-il, lui permettront de ramener sa belle-famille à la raison. Ce soir-là, d'ailleurs, il attend un coup de fil de Madame Cons. Cela fait plusieurs jours qu'ils sont convenus de dîner ensemble pour mettre les choses à plat. Mais peu après 20h, lorsque le téléphone sonne, il pressent que sa belle-mère rappelle pour annuler. Oh, c'est qu'il a l'habitude de ses facéties, il n'est pas étonné quand elle lui annonce que son frère, dont il n'a jamais entendu parler d'ailleurs, vient de faire un infarctus. Elle s'excuse de devoir annuler à la dernière minute et lui propose de reporter la visite d'ici quelques jours. Après ce coup de téléphone, Jacques Perrault appelle l'un de ses amis et lui propose de le retrouver pour dîner. Rendez-vous est pris une dizaine de minutes plus tard dans un restaurant du 17e arrondissement de Paris. Jacques Perrault descend rapidement les premières marches, mais sur le palier du premier étage, il tombe nez à nez avec un individu armé d'un fusil 22 long rifle. 3 coups de feu retentissent. Il est 13h. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Yves Loiseau. Bonjour, et d'abord cette nouvelle de dernière minute qui vient de tomber sur les téléscripteurs, l'assassinat cette nuit à Paris d'un avocat, Jacques Perrault. Pour l'instant, on ne sait rien d'autre, si ce n'est qu'il a été tué d'une ou de plusieurs balles dans la tête, et surtout qu'il est le mari de Dari Boutboul. Jacques Expert, vous êtes avenue Georges Mandel, sur place donc. Est-ce que vous avez des détails à nous communiquer sur cette affaire? Une avocate, locataire du premier, a entendu 3 coups de feu. Elle a regardé par l'œilleton et a découvert le cadavre de son confrère, mort, 3 balles dans la tête. Elle a ensuite aussitôt appelé la police. Jacques Perrault avait, semble-t-il, bonne réputation au barreau de Paris. On le présente comme un homme calme qui avait une seule passion, les chevaux. Jacques Expert, France Inter. Au début de la décennie 80, Jacques Perrot est un jeune avocat parisien très en vue. C'est un ami intime de Laurent Fabius, l'une des étoiles montantes du Parti Socialiste. Il fait partie d'un groupe d'amis constitué de cadres ambitieux, avocats, hommes d'affaires et hommes politiques, donc. Jacques Perrot, une brillante carrière et une passion, l'équitation. Cavalier confirmé, il monte plusieurs fois par semaine à Maison Lafitte en région parisienne et participe régulièrement à des compétitions amateurs à Deauville ou dans les haras de Sologne. On le croise également au bord des champs de course et dans les gradins des hippodromes parisiens. Charismatique et enjoué, Perrot est un séducteur, célibataire endurci, qui multiplie les conquêtes féminines et les aventures d'un soir. Mais en 1981, sa vie s'apprête à changer. Alors qu'il se trouve sur un champ de course, il croise le regard d'une jeune cavalière à la notoriété naissante, Dary Boudboul. Aujourd'hui à Longchamp, il y avait pour la première fois sur cet hippodrome une jeune femme montant dans un tiercé, Mademoiselle Boudboul, que Dominique Leglou a suivi, je dois dire, avec attention. Ils sont tous là pour ce tiercé, les plus grands jockeys de Longchamp, de Saint-Martin-Frédiette, sans oublier Samani ou Philippon. Parmi eux, une femme, Mademoiselle Dary Boudboul. Elle monte le cheval numéro 15, un cheval dont sa mère est la propriétaire et dont Hubert Dayer est l'entraîneur. Âgée de 22 ans, Mademoiselle Boudboul est étudiante en licence de russe et d'histoire de l'art. Passionnée de peinture d'avant-garde, elle compte ouvrir une galerie cet été. Elle monte aussi à l'occasion à cheval depuis l'âge de 3 ou 4 ans. C'est la troisième femme à monter au cours d'un tiercé. Enfermée ici au milieu du peloton, la cravache d'or des cavalières 80 terminera en 11e position, seule au milieu d'un peloton de 19 unités, mais pourtant à peine impressionnée. Votre cheval est à une cote relativement élevée. Est-ce dû au fait de sa valeur ou au fait qu'il soit monté par une femme ? Bon, je pense que c'est un petit peu les deux, parce que c'est pas un très très bon cheval. Et en plus, monté par une femme, c'est un petit peu normal. Elle a 22 ans, lui 36, mais leur passion commune et le charme de la jeune jockey sont très forts entre le brillant avocat parisien et la jeune cavalière. C'est le coup de foudre immédiat. Quelques mois seulement après leur rencontre, Dary Boudboul est enceinte. La passion, autant que la raison, pousse le jeune couple à se marier moins d'un an plus tard. Un mariage célébré en grande pompe dans un établissement prestigieux du Bois de Boulogne. Une cérémonie mondaine dans laquelle le monde hippique côtoie celui des affaires et de la politique. Et c'est Laurent Fabius, alors ministre du Budget, qui est témoin de Jacques Perrot. Et le couple Perrot-Boudboul et de tous les événements parisiens. Courses hippiques, dîners, meetings politiques, socialistes pour soutenir l'ami Fabius ou ceux du RPR, dont Dary est militante, ils sont partout, à droite, à gauche. Leur fils naît en novembre 82. Mais Dary ne compte pas rester femme au foyer toute sa vie et remonte en selle dans la foulée. Pour marquer l'événement, sa mère lui offre Abdonski, un nouveau cheval, un vrai crack à plusieurs centaines de milliers de francs. Un cadeau qui va permettre à la jeune cavalière et toute jeune mère de famille de faire décoller sa carrière. Le 1er avril 84, elle est la première femme à remporter une course du tiercé. Tiercé exceptionnel pour la réouverture de Longchamp cet après-midi. Pas à cause de ses rapports, mais parce que pour la première fois, le jockey vainqueur est une femme. Michel Drey lui a porté toute l'attention qu'elle mérite. Dans ce prix de plaisance, Abdonski, le numéro 7 monté par Dary Boudboul, avait certes une petite chance, mais les pronostiqueurs lui préféraient Prince Dubourg, Maxime Sfer ou Charpeza. Pourtant, toutes ces vedettes de l'hippisme ont été battues par une jolie femme d'1m50. Dary Boudboul n'est pas jockey professionnel, elle a acheté Abdonski pour prouver qu'elle pouvait un jour remporter un tiercé. Et pourtant, certains spécialistes ne leur accordaient pas la moindre chance. Dary Boudboul n'avait pas apprécié. Parce qu'hier soir, j'étais un petit peu déçue en écoutant une émission justement de vos confrères. Et il a été vraiment assez méchant en disant à Abdonski, ça ne m'intéresse même pas de savoir quelle chance il a vu qu'il est monté par une femme. C'est méchant de dire ça, de dire vraiment, il est monté par une femme, je ne m'y intéresse pas. On passe au suivant, numéro 8. Cette victoire lui ouvre les portes de la célébrité et on s'arrache Dary Boudboul. Sur les plateaux de télé, elle se lance même dans la chanson. Elle intègre également la célèbre émission de RTL Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard, où son franc-parler et sa personnalité font d'elle une véritable star. On la voit régulièrement en une des magazines avec son fils et son mari, c'est par excellence une people. Voilà pour le côté pile et la vie sous les projecteurs. Côté face, c'est une autre histoire. Dans l'intimité de sa vie privée, le couple Perrault-Boutboul se déchire. Il se trouve que Jacques n'a pas renoncé aux conquêtes féminines et passe de plus en plus de temps hors du domicile conjugal. Dariel est d'une jalousie maladive et se montre de plus en plus possessive. Résultat, à l'automne 85, après 3 ans de mariage, le couple se sépare. Jacques Perrault retourne vivre chez ses parents, avenue Georges Mandel, en attendant de trouver un appartement. Lors de la procédure de divorce, il est convenu que c'est Dari qui obtient la garde de leur fils et que Jacques garde tout de même un droit de visite libre. Pourtant, l'avocat parisien réalise très vite que sa femme et sa belle famille ne comptent absolument pas le laisser aller et venir comme il l'entend. Encore une fois, Perrault ne va pas rester les bras croisés. Il soupçonne Marie-Élisabeth Consboutboul d'influencer Dari et d'être la cause des problèmes. D'ailleurs, cela fait plusieurs mois que sa belle-mère l'intrigue. C'est un personnage étrange, aux imposantes lunettes fumées. Riche et mondaine, elle se dit veuve, parfois noble et parfois de la famille de Valéry Giscard d'Estaing. Elle est avocate internationale, elle travaille entre Genève et Paris. Pourtant, Jacques Perrault ne l'a jamais aperçue dans les couloirs du palais de justice. Et de mémoire de confrère, personne ne l'a jamais vu plaider. Alors Perrault mène son enquête et se renseigne auprès du barreau de Paris. Marie-Élisabeth Consboutboul est bien avocate. Mais cela fait plus de 5 ans qu'elle a été radiée, oui, radiée, après la découverte d'une immense escroquerie, une malversation à l'encontre des missions étrangères et une organisation catholique œuvrant pour l'évangélisation de l'Asie. L'affaire commence en 1968 lorsque les missions étrangères reçoivent une plainte de la famille d'un certain Rouet de Jouvenel. Étonnés, les prêtres veulent en avoir le cœur net. C'est pourquoi ils chargent Élisabeth Boutboul d'élucider l'affaire. Pendant près de 15 ans, l'avocate va, selon les prêtres, faire semblant d'enquêter et leur soutirer près de 14 millions de francs. Il faut voyager, elle va donc facturer des faux voyages à l'autre bout du monde. Il faut engager des actions en justice, elle va donc inventer des frais de procédure, allant même jusqu'à effectuer des faux en écriture. Enfin, tout travail mérite un salaire, l'avocate va présenter des honoraires substantiels. Lorsque le poteau rose est découvert, Élisabeth Boutboul est radiée du barreau. Le mystère est d'autant plus épais que les prêtres n'ont pas porté plainte. Ils refusent eux aussi de répondre aux questions précises, réservant leurs explications à la justice. Mais les découvertes de Jacques Perrault ne s'arrêtent pas là. Elles deviennent même de plus en plus rocambolesques. D'abord le père de Dari. La femme de Jacques et sa belle-mère ont toujours affirmé qu'il était mort dans un accident d'avion aux États-Unis des années plus tôt. Mais Perrault retrouve la trace de Robert Boutboul, mort comme vous et moi, c'est-à-dire vivant. Il est médecin, il vit à Paris, dans le 17e arrondissement, à quelques minutes seulement du domicile conjugal. Jacques Perrault parvient à le rencontrer à l'automne 85. Et là, il apprend, notamment, qu'il voit régulièrement son petit-fils dans les jardins du Ranag, près du bois de Boulogne. Après ces 2 découvertes, l'avocat est convaincu qu'il tient là un moyen de pression sur sa belle-mère et que grâce à cela, il va bientôt revoir son fils. D'ailleurs, il confie à plusieurs de ses proches que cette histoire sera bientôt réglée. Le 27 décembre, quand il a rendez-vous avec Marie-Élisabeth Consboutboul, ce n'est donc pas un dîner amical qui se profile. C'est même une convocation, car il compte bien faire pression sur sa belle-mère. Mais le dîner n'aura jamais lieu, on le sait. Une 22 long rifle est passé par là. L'autocaboute le nom du frigo. La porte est cachée. Les nuits sont des nuits d'amour. Dur à digérer. Un séjour sans secours. Au sommet d'une tour penchée. La tranquillité, la journée, le phono abandonné. Je te garde beauté dans l'aridité. Je te garde beauté. Pose ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. Ma douleur. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Alors, arrivé au 29 avenue Georges Mandel, les enquêteurs de la brigade criminelle découvrent le corps de Jacques Perrault, tué de 3 balles dans la tête, sa cigarette toujours entre les doigts. C'est donc une voisine qui a donné l'alerte. Après avoir entendu les coups de feu, elle jette un œil par le judas de sa porte et aperçoit le corps de l'avocat étendu au sol, sur le palier du premier étage. Mais elle ne peut pas en dire plus. Elle n'a pas de description du suspect à fournir aux policiers. La gardienne non plus d'ailleurs. Rien à dire, rien vu, rien entendu. Mais pour l'heure, c'est surtout le profil de la victime qui intrigue les enquêteurs. Avocat influent, Jacques Perrault est aussi un ami d'enfance du Premier ministre Laurent Fabius. Il redoute alors d'avoir affaire à un crime d'État. Pourtant, c'est bien du côté de la belle famille d'avocats que les enquêteurs vont très vite être attirés. Plusieurs témoins affirment en effet que ce soir-là, l'avocat devait dîner avec sa belle-mère, Marie-Elisabeth Conze-Boutboul, ce qui est vrai. Dari Boutboul, elle, arrive rapidement sur les lieux du crime. Mais pas sa mère, qui participe à un dîner chez un ami et qui reste tranquillement à table. Dans la soirée, les policiers la convoquent au 36 quai des Orfèvres, bien décidés à éclaircir cette histoire. Ils savent que le couple Perrault-Boutboul traversait une période difficile et que la procédure de divorce entre les deux époux ainsi que la question de la garde de l'enfant devait être au cœur de la discussion que l'avocat allait avoir avec sa belle-mère. Les policiers interrogent donc, et d'abord, Madame Conze-Boutboul sur ce dîner prévu avec son gendre. Pourquoi avoir organisé cette rencontre alors qu'elle savait depuis plusieurs semaines déjà qu'elle serait prise ce soir-là ? Eh bien, elle affirme qu'elle n'avait absolument pas prévu de dîner avec Jacques Perrault. Soit. Mais pourquoi n'est-elle pas venue à avenue Georges Mandel avec sa fille ? Selon elle, un mélange d'alcool et de médicaments l'aurait empêché de prendre conscience de ce qui venait de se passer. Marie-Elisabeth Conze-Boutboul garde son calme devant les enquêteurs, de plus en plus circonspect. Les médias, qui s'emparent immédiatement de l'affaire, autrement dit qu'ils font leur travail, apprennent rapidement que l'enquête tourne désormais autour du premier cercle de la célèbre jockey. Ce qui n'était alors que l'affaire Perrault devient l'affaire Conze-Boutboul et Dari, comme sa mère, sont de plus en plus présents dans les médias. Comment vous la jugez, votre mère ? C'est une forte personnalité. C'est quelqu'un, oui, quelqu'un de très fort, quelqu'un de... Mais c'est quelqu'un de très droit, de très loyal, de... qui m'a toujours appris à être droit, à dire ce qu'on pense en face. Mais elle m'a juré qu'elle n'était pour rien. Et je la crois. Et toutes les personnes proches de Jacques la croient. Une semaine après la mort de Jacques, quelle est votre réflexion ? Est-ce que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose ? Est-ce que vous pensez que vous êtes encore menacé ? Ou est-ce que vous pensez que c'est une affaire qui est classée ? Mais je ne veux surtout pas qu'elle soit classée. Je ne veux pas. Ça, je me battrai pour qu'elle ne soit pas classée. Mais moi, je ne sais rien de plus que ce que je vous dis. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait aujourd'hui s'en prendre à moi et encore moins à mon fils qui, le pauvre, a 3 ans, est tellement loin de tout ça. Ça, c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens, mais aucun sens. Face à l'attitude étrange de la mère et de la fille, les policiers de la brigade criminelle continuent à tirer les fils de l'enquête. Ils plongent alors dans le passé de Madame Conze-Boutboul. Et comme Jacques Perrault, quelques semaines avant eux, ils découvrent les mensonges de la dame. Il y a d'abord l'escroquerie à 14 millions de francs dont s'est rendu coupable l'avocate radiée du barreau de Paris. Si cette histoire passionne la presse, elle intrigue de plus en plus les enquêteurs. Lorsqu'elle est interrogée sur cette affaire, Marie-Elisabeth Consboudboul se noie dans des explications toutes plus folles les unes que les autres. Elle affirme avoir agi pour le compte de commanditaires dont elle souhaite taire le nom par crainte pour sa vie. Elle évoque tour à tour la mafia du monde hippique, des contrats de vente d'armes ou encore un trafic d'uranium, un véritable fatras. Elisabeth Consboudboul balade littéralement les policiers d'une piste à l'autre, les noyant autant que possible dans un flot d'informations qu'ils sont bien obligés d'explorer. Puis vient la question du mari, Robert, le médecin ressuscité. Comment Madame Consboudboul explique-t-elle ce miracle? Idem avec l'émission à l'étranger de l'avocate Radier. Là encore, ses explications partent dans tous les sens. Si ces histoires donnent le tournis aux enquêteurs, elles excitent la presse. Jour après jour, les médias documentent l'affaire. Et les journalistes peuvent compter sur des protagonistes tout à fait prêts à jouer le jeu. Ainsi, le 5 janvier 86, moins de trois semaines après la mort de Jacques Perrault, les équipes de France 2 organisent pour le journal de 20h une émouvante séquence de retrouvailles entre Dari Boudboul et son père qu'elle croyait mort. Pourquoi? On n'a pas pu se retrouver sans... On va te sans dire, tout ça, sans qu'il y ait... Sans qu'il y ait la mort de Jacques au milieu de tout ça, pourquoi? Mais quand même, c'est assez surprenant, un père qui décide de disparaître totalement dans la circulation sa fille. Oui, mais je vais vous dire, quand j'étais plus jeune, je voulais être indépendant. Donc quand vous avez divorcé, vous avez décidé de couper court? J'ai séparé, et je me rappelle très bien, je lui dis après tout, mais dis-lui que je suis mort, comme ça il n'y aura plus de discussion. Cette scène surréaliste, diffusée à une heure de grande écoute, se conclut sur une déclaration énigmatique de Marie-Elisabeth Consboudboul concernant la mort de son gendre. Pour elle, Jacques Perrault a commis une erreur fatale en tentant d'enquêter sur ses missions étrangères. Et elle affirme sans sourciller, c'est là que se trouve la clé du mystère. Elle n'en dira pas plus. Mais en médiatisant à ce point l'affaire, Madame Consboudboul s'attire les foudres des enquêteurs, exaspérée de l'avoir étalé en public, un sujet qui devrait être traité uniquement par les policiers du 36. À la suite de cette séquence télévisuelle, Marie-Elisabeth Consboudboul et sa fille annoncent qu'elles ne parleront plus à la presse. Alors, peu à peu et au fil des jours et des semaines, l'enquête s'embourbe, le temps passe. Même si la belle-mère de Jacques Perrault reste la principale suspecte, les policiers n'ont rien à se mettre sous la dent. Non, juste les innombrables mensonges de la dame. Et il faudra attendre 3 ans pour que l'enquête connaisse un rebondissement, enfin. Et grâce à une affaire apparemment sans rapport. Le 5 mai 1988, le corps d'un certain Bruno Dassac est retrouvé dans un bassin du port du Havre. Cet homme, qu'on pense être un honnête représentant de commerce, mène en réalité une double vie et évolue au sein des milieux criminels sur la côte normande comme à Paris. On le croit souvent dans les cercles de jeu et sur les champs de course de la capitale. Dans la poche de sa veste, les enquêteurs découvrent un petit carnet dans lequel se trouve un nom, Marguerite, et un numéro de téléphone. Il remonte la piste jusqu'à une charcuterie de la rue Mignard dans le 16e arrondissement de Paris. Le juge d'instruction chargé de l'enquête raconte la suite dans l'émission « Faites entre l'accusé » diffusée en 2000 sur France 2. Mes enquêteurs vont entendre donc cette commerçante, Madame Brion, qui va rester très évasive par rapport à ses appels téléphoniques passés par Bruno Dassac et dire tout simplement qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'a jamais eu de communication téléphonique avec cette personne qu'on lui dit s'appeler Bruno Dassac. Les policiers havrais repartent bredouille. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette charcuterie est déjà surveillée par leurs collègues parisiens. Le téléphone de la boutique est sur écoute depuis près de 3 ans. Depuis qu'ils savent que Marie-Elisabeth Consboudboul vient y passer de mystérieux coups de fil. Car la fameuse Marguerite, c'est elle Et l'homme avec qui elle échange sur cette ligne, c'est Bruno Dassac. Enfin, coup de chance pour les enquêteurs classiques. Il en faut toujours un peu pour dénouer une affaire criminelle. 3 semaines seulement après le passage de leur collègue à Vray, les policiers chargés de l'affaire Perrault viennent donc à leur tour interroger la charcutière. Et cette fois, la commerçante ne peut pas nier. Madame Conce y vient en effet régulièrement passer des coups de téléphone depuis sa boutique, mais elle le jure, elle ne sait pas ce que sa cliente manigance. Elle leur explique aussi qu'ils ne sont pas les premiers à venir l'interroger. Et ça, c'est une information capitale. Parce que grâce à cela, l'équipe parisienne remonte jusqu'à l'enquête menée sur la mort de Bruno Dassac. Et la mise en commun des éléments peut donc commencer. Ils font alors 2 découvertes majeures. En épluchant les transcriptions des écoutes et malgré le langage codé, ils comprennent qu'Elisabeth Conce-Boutboul et Bruno Dassac sont en affaires. Puis, en étudiant les relevés du cabinet téléphonique que le truand avait utilisé pour ses échanges, il remonte jusqu'à une banque suisse où il détient un compte caché. Et sur ce compte, les enquêteurs trouvent des traces de virements en provenance du compte suisse de Madame Conce-Boutboul. Pour la justice, les preuves sont suffisantes pour arrêter la dame pour complicité dans le meurtre de Bruno Dassac. Elle est placée en détention provisoire le 6 juin 1989. Sa fille Dari, elle aussi, est interrogée par la police. Elisabeth Conce-Boutboul, la mère de l'ex-femme jockey, a passé sa première nuit en prison. Hier, je vous le disais, elle avait été inculpée de complicité d'homicide volontaire dans l'affaire de l'assassinat d'un truand, Bruno Dassac. Les policiers sont persuadés que la mère de Dari Boutboul le connaissait, ce qu'elle nie. Les enquêteurs font même le rapprochement avec le meurtre de maître Jacques Perrault, le gendre de Madame Conce-Boutboul. Alors Mathieu Aron, avec vous, essayons d'y voir un peu plus clair dans cette ténébreuse affaire. Quels sont les liens qui pourraient unir les différents acteurs du drame ? Seule certitude, Denis, Bruno Dassac et Madame Conce-Boutboul entretenaient d'étroites relations. Sur le carnet d'adresse de Dassac figurait le numéro de téléphone où il pouvait joindre Elisabeth Conce-Boutboul. Tous les deux se téléphonaient régulièrement, des conversations pendant lesquelles ils se tutoyaient. Mais seule la mère de Dari Boutboul détient sans doute la clé du mystère. Elle a promis, lors de sa prochaine confrontation avec le juge d'instruction, de faire, je cite, « de grandes révélations ». Marie-Elisabeth Conce-Boutboul, désormais en prison, les langues commencent à se délier. En septembre 89, son chauffeur de taxi régulier se présente dans un commissariat parisien. Parce qu'il a des révélations à faire. Il affirme avoir transporté la dame à la mi-décembre 85, soit quelques jours avant la mort de Jacques Perrault, et de l'avoir déposée auprès d'un individu identifié comme étant Bruno Dassac. Elle lui aurait alors remis un petit sac noir. Mais le chauffeur de taxi ne s'arrête pas à cette confidence. Il raconte une autre anecdote sur sa cliente. Et il en témoigne, des années plus tard, dans l'émission « Faites entrer l'accusé » sur France 2. Et puis, à petit peu, elle m'a fait comprendre qu'elle cherchait quelqu'un pour donner une bonne dérouille à son gendre, quitte à le laisser sur le carreau. C'était bien ses termes. Il lui fallait quelqu'un de confiance pour ce travail qu'elle voulait faire, pour cette action, parce qu'elle savait déjà faire rouler sur 60 000 francs qu'elle avait donné à quelqu'un qui n'avait pas accompli le contrat. C'était ce mot. Déjà en prison, Marie-Elisabeth Conce-Boutboul est inculpée pour le meurtre de Jacques Perrault. Si elle est finalement relaxée dans l'affaire Dassac, elle doit faire face maintenant à l'arrivée d'une nouvelle juge d'instruction dans l'enquête sur l'assassinat de son gendre. Et cette nouvelle magistrate ne compte pas lui faire de cadeau. Elle reprend tout le dossier et l'épluche dans ses moindres détails. Premier exploit, elle parvient à faire avouer à Madame Conce-Boutboul qu'elle avait bien rendez-vous avec son gendre le 27 décembre soir. Même si elle ne dit rien de plus, c'est déjà une avancée majeure. Mais ce sont dans les comptes suisses de la belle-mère de Jacques Perrault que la juge d'instruction va faire les plus importantes découvertes. En les étudiant, elle parvient à mettre au jour la comptabilité précise de la mère de Dari Boutboul, année après année, mois après mois. Et il ne fait aucun doute que l'année 85, et plus précisément les quelques mois qui précèdent l'assassinat de son gendre, sont différents des autres. Un trou d'au moins 600 000 francs est découvert. 600 000 francs, exactement le prix du contrat pour tuer Jacques Perrault. Après 3 ans d'une enquête fouillée, la juge d'instruction décide qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour renvoyer Marie-Elisabeth Consboudboul devant une cour d'assises. Le procès d'Elisabeth Consboudboul s'ouvre cet après-midi devant la cour d'assises de Paris. Cette femme de 70 ans est accusée de complicité dans l'assassinat de son gendre, Jacques Perrault, en décembre 1985. Les débats seront longs, environ un mois. L'enquête, qui a duré 8 ans, n'a pas permis de dissiper l'énigme de cette affaire. La cour d'assises, c'est un drame et le spectacle est bon. Si les acteurs le sont à cet égard, on risque de ne pas être déçus en voyant Marie-Elisabeth Consboudboul. Belle-mère abusive et dangereuse, disent certains, simplement forte personnalité, disent d'autres. Elle a vécu à 100 à l'heure dans les beaux quartiers, elle est charmante, mais a réussi à escroquer largement les bons pères des missions étrangères. La voilà accusée d'avoir fait abattre son gendre. En tout cas, Mère Elisabeth est sereine et bien décidée, dit-on, à clamer son innocence. Le procès de Marie-Elisabeth Consboudboul s'ouvre le 2 mars 1994, 9 ans après le meurtre de Jacques Perrault. C'est un événement médiatique. La dame de 70 ans, assise sur le banc des accusés, attire tout autant les caméras que sa fille Dari, assise, elle, aux côtés des parties civiles, la famille de son ancien mari, pour qui le procès débute dans le doute. Car si la lecture du dossier est accablante pour Madame Consboudboul, il faut se rendre tout de même à l'évidence, les preuves sont minces. Pas d'armes de crime, pas d'auteur de l'assassinat, ni aucune preuve majeure qui pourrait confondre sans aucun doute l'accusé, non, non. Juste ce sentiment persistant de culpabilité qui pèse sur elle. Derrière ses grosses lunettes fumées, Marie-Elisabeth Consboudboul reste fidèle à sa stratégie. Elle ne reconnaît aucune décharge à son encontre et se perd à longueur d'audience dans ses mensonges et petits arrangements avec la vérité, tous plus improbables les uns que les autres. Lorsqu'on lui parle par exemple de l'affaire des missions étrangères, elle continue d'affirmer qu'elle n'était qu'une intermédiaire de commanditaires puissants, qu'elle n'est pas riche, qu'elle n'est pas une passeuse. Les témoins qui défilent à la barre ne plaident pas non plus en sa faveur. Son chauffeur de taxi, sa charcutière, son ancien mari, tous décrivent une femme manipulatrice, prête à mentir sans scrupules. Et lorsque les juges relèvent sa mythomanie, Madame Con sourit et conçoit qu'elle s'arrange parfois avec la vérité pour s'amuser la plupart du temps, dit-elle. Globalement, tout au long du procès, elle marque l'audience par son détachement. Mais elle n'échappe pas à sa sentence. France Inter. Les jurés de la cour d'assises de Paris ont délibéré pendant 4h30 hier soir pour prendre leur décision sur Marie-Elisabeth Consboudboul. Au terme de ces 4h30 de délibéré, la cour d'assises a considéré que l'accusé était coupable. 15 ans de réclusion criminelle pour avoir fait tuer son gendre, Jacques Perrault, le 27 décembre 1985. L'avocat général avait requis 16 à 18 ans de réclusion contre une femme qualifiée de dangereuse et de mente religieuse. Malgré l'absence de preuves et selon leur intime conviction, les jurés déclarent Marie-Elisabeth Consboudboul coupable de complicité dans l'assassinat de son gendre, Jacques Perrault. Même à l'annonce de sa condamnation, elle reste droite, raide comme une lance, n'affichant aucun sentiment. Malgré cette condamnation, les acteurs et observateurs du procès demeurent perplexes. Car même si elle est bien reconnue coupable, les nombreux mystères qui entourent l'affaire laissent à tout le monde un sentiment d'inachevé. Marie-Elisabeth Consboudboul est libérée de prison en 1998 pour bonne conduite et raison de santé. Elle publie un livre à sa sortie pour raconter son expérience derrière les barreaux, en convenant avec son éditeur de ne pas évoquer la mort de Jacques Perrault. Elle meurt en 2021 sans jamais avoir avoué une quelconque participation au meurtre. Sur la terrasse, sous les cimes, à l'heure où le festin se termine, sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a régalé ses convives. Sur la terrasse, sous les cimes, où règne le diable à sa machine. Sous la terrasse, sous les cimes, mais qu'attend le ciel pour nous foudroyer ses novices. Mon Dieu, que tu es méchant. terrasse sous les cimes. Après la bidoche et le sublime. Sur la terrasse sous les cimes. Satan est heureux, il a une nouvelle famille. Sur la terrasse sous les cimes. Où le tout moderne s'agglutine. Sur la terrasse sous les cimes. Satan est heureux, il ouvre une nouvelle usine. Mon Dieu, que tu es méchant. Quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement. Interroge la jument. Sur la terrasse, sous les cimes, où tout vient peser, on t'assassine. Sur la terrasse, sous les cimes, n'y a-t-il plus de ciel pour nous foudroyer, c'est nos vies. Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Consboutboul dont nous allons parler avec notre invitée Isabelle Orlans. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Vous êtes journaliste et autrice et vous avez couvert cette enquête pour un journal du Havre, le Havre Libre. Déjà, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette histoire et dans les ingrédients de cette histoire? Alors, au début, bien évidemment, rien. Puisque tout part du Havre, hein, comme votre affaire de lundi là sur le MC Ruby, tout part dans le port. Un homme retrouvé mort et je fais un entrefilet puisque je travaille effectivement pour l'agence de presse commune à Paris Normandie, Havre Libre, Havre Presse. Et ça n'est pour moi qu'un suicide ou qu'un accident, peu importe. Enfin voilà. Et c'est le 8 mai, jour de l'élection présidentielle, que tout va basculer puisque la voiture de Bruno Dassac, c'est donc le mort à côté duquel le médecin légiste est complètement passé, enfin à côté de la mort duquel il est passé, la voiture brûle. Et là, c'est un mystère. Comment un homme mort accidentellement le 5 mai peut-il avoir fait brûler sa voiture le 8? Et donc on reprend l'autopsie, il y a une balle de calibre 9 mm, il a été tué avec un 357 Magnum dans cette voiture dont on a voulu effacer les traces. Donc c'est à partir de là que je vais m'intéresser à Bruno Dassac, mais qui n'est qu'un modeste représentant en trousseau, comme on dit à l'époque. Il vend aussi bien des draps que des chemises de nuit. Et je m'intéresse à ce personnage. Je reçois un certain nombre de coups de fil anonymes, parce que l'entrefilet que j'ai publié sur cette mort accidentelle au départ et sur le mystère de la voiture brûlée incite des gens à me mettre sur une piste. Je suis manipulée au début, je le reconnais très, très volontiers. Et à partir de là, je vais enquêter sur cet homme qui, une fois passé le pont de Tancarville, c'est-à-dire qui relie le Havre à la terre ferme et à l'autoroute vers Paris, cet homme change complètement de costume et pas seulement au sens propre. C'est-à-dire qu'il devient un joueur invétéré dans les casinos, le casino Haussmann notamment. Il dépense jusqu'à 2000 francs de l'époque par jour, hein, c'est-à-dire en gros 300 euros. Et comment finance-t-il tout cela? Et de fil en aiguille, à force de suivre les pas de Bruno Dassac, je vais tomber tout à fait par hasard sur Elisabeth Consboutboul. Et c'est là, bien sûr, que à la fois l'enquête au général, l'enquête de la PJ de Rouen et l'enquête du 36 Quai des Orfèvres basculent, mais ma vie bascule aussi, parce que je pense avoir eu la plus grande trouille, oui, de mon existence. Enfin, c'était un milieu extrêmement dangereux. Alors, on le disait à la fin du récit, cette histoire arrive aux assises quand même, hein. Mais le procès ne lève pas tous les mystères qui entourent l'affaire. Vous l'avez suivi, ce procès? Oui, alors partiellement, parce que j'étais juge, j'étais journaliste et témoin, puisque j'avais été placée en garde à vue dans le cadre de mon enquête sur l'affaire d'Assac, et j'étais donc appelée à la barre comme témoin, et comme vous le savez, lorsque l'on est témoin dans une affaire, on n'a pas le droit au préalable d'assister au débat, ce qui fait que j'ai été confinée dans la salle des témoins, entre parenthèses, avec ma source qui me jetait des regards extrêmement mauvais, puisque à cause de moi, cette source avait été identifiée. Enfin bref, et donc j'ai assisté à la deuxième partie des débats après mon témoignage. Alors vous avez pu observer. Notamment Dari Boutboul qui était assis sur le banc des parties civiles, donc la famille de Jacques Perrault, mais qui défendait en même temps sa mère, parce que c'est sa mère. Quel souvenir vous gardez de cet épisode-là? Écoutez, la décence m'interdit de dire que cette scène était ubuesque, et pourtant je le dis, vous voyez. Mais c'était extrêmement, pour qui connaissait l'affaire, c'était déjà très étonnant de voir Dari Boutboul aux côtés de la famille Perrault, qui de notoriété publique ne l'aimait pas, qui avait souffert terriblement de ce déchirement entre les époux Perrault, surtout évidemment s'agissant d'Adrien, leur enfant. Donc c'était assez surréaliste de les voir ensemble. Dari, que j'ai interviewé bien évidemment, enfin comme beaucoup, mais très vite dans l'affaire, Dari Boutboul m'a toujours semblé être un personnage un peu à l'image de sa maman. C'est-à-dire forte personnalité bien sûr, extrêmement intelligente, hein, très maligne, très voilà, mais également partie loin dans les fantasmes de la vie. Enfin voilà, quand on a connu Dari Boutboul au début, elle était spécialiste du russe et du sanskrit et candidatait pour l'école centrale. Bon voilà, elle vivait dans un nuage de fantasmes, et donc bien sûr elle soutenait sa mère à la cour d'assises, ce qui est bien normal. Je pense très sincèrement, au fond de moi, j'ai le pressentiment qu'elle n'a jamais su vraiment ce que sa mère avait, le rôle que sa mère avait joué dans l'affaire Perrault. Je ne pense pas qu'elle ait su vraiment. En revanche, elle savait beaucoup de choses. Voulait-elle le savoir, déjà? Voulait-elle le savoir? C'est pas simple. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Intégrer le fait que sa mère ait pu tuer son mari, c'est quand même pas simple, humainement. Oui, et puis sa mère était une maîtresse S-dissimulation qui avait quand même tellement menti sur tellement de choses, et qu'on compris sur les missions étrangères, enfin la fortune, ah ben exemple. On va parler, voilà. On va dans la deuxième partie de cette interview, après avoir écouté Cigarette After Sex, Pistole, on parle d'Elisabeth Kunz-Boutboul, Marie-Elisabeth Kunz-Boutboul. France Inter. Affaires sensibles. Isabelle Orlans, journaliste, je rappelle que vous avez couvert cette affaire Cons-Boutboul. Alors justement, parlons maintenant de la dame. Moi j'appelle la dame parce qu'on voit la vieille dame partout. Enfin, 70 ans, c'est pas cacochine non plus. Hein. On devrait dire la dame, voilà. Alors déjà au procès, vous l'avez observée, j'imagine, plus que tout autre. Bien alors... sûr, bien sûr. Mystérieuse, elle était incroyable. Enfin, elle avait ce petit sourire en coin. Elle me faisait penser un petit peu à Simone Weber, autre affaire incroyable. Voilà, c'est mamie permanente. Alors elle, évidemment, le chic en plus, le 16e arrondissement, toujours l'air un peu éthéré, surprise qu'on vienne la chercher sur des détails de l'histoire comme ce mari mort qui ne l'était pas. Enfin. Bon sang, mais ce n'est rien tout cela. Vous voyez, elle avait cette espèce de à la fois de légèreté et puis une personnalité incroyable. Elle avait réponse à tout. Elle a quand même cloué le bec d'un sacré paquet de policiers, de magistrats qui n'étaient pas des perdreaux de l'année. Enfin, elle a tenu tête à tout le monde. Y compris pendant le procès, oui, oui. Elle était très embarrassée parce que la partie civile était très bien représentée. Les questions étaient ciselées. Enfin, c'était très dur de tenir. Mais elle a tenu jusqu'au bout et jusqu'à sa tombe, puisque finalement, elle laisse derrière elle d'immenses secrets. Bah, justement, l'émission aux étrangères, la fraude présumée commise par Elisabeth Cons-Boutboul, on n'en sait plus sur ce qui s'est passé. En tout cas, ça dit des choses, le fait qu'il y ait des suspicions autour d'elle, le mari soi-disant mort qui est vivant. Ça dit des choses d'elle, mais ça. Mais bien sûr, et puis vous savez, quand elle a été radiée du barreau, il y avait bien sûr le président de l'ordre du barreau, mais il y avait 24 de ses confrères qui ont jugé ses fautes immensément graves et qui l'ont radiée. Et l'émission étrangère qui, elle, sont restées tout à fait en retrait. Et l'année dernière encore, avec mon confrère Serge Raffi, on a essayé d'en savoir plus auprès d'émissions étrangères. C'est toujours, autant d'années après, silence radio. C'est le sujet hyper brûlant aux missions étrangères. Donc, évidemment, on ne va pas faire leur procès à l'antenne, c'est pas notre rôle. Mais il y a du sulfureux, il y a de l'explosif. Là où elle a raison, à mon avis, là où elle a toujours dit la vérité, c'est qu'elle en savait peut-être trop, et qu'elle avait été mêlée en faisant la passeuse, en rendant des services avec Bruno Dassac, c'est prouvé, en planquant de l'argent dans la même banque que celle des missions étrangères en Suisse. Elle en savait beaucoup, et peut-être sa vie était en danger. Oui, effectivement. Elle était ce qu'on appelle borderline. Voilà. Complètement borderline. Alors, elle évoquait des trafics d'armes, d'uranium, un lien avec la Banque du Vatican ou encore la loge maçonnique P2. C'est un vrai catalogue d'affaires sensibles. Hein. Ah oui, et totalement. Pourquoi elle avait ça? C'est pour brouiller les pistes? Alors, en partie pour brouiller les pistes, mais il y avait aussi, évidemment, quelques affaires sulfureuses qui étaient traitées par son patron, son mentor, l'avocat Delphi, maître Delphi, qui est celui qui a organisé le dîner du soir de la mort de Jacques Perrault. Dîner qui, entre parenthèses, était prévu 10 jours auparavant, bouclé. Et donc, on se demande pourquoi le 27 décembre à 19h40 ou 50, elle décide d'annuler le dîner avec Jacques Perrault. Vous voyez, enfin, tout est lié. Et maître Delphi, que personne n'a jamais vu plaider, ni entendu a fortiori, avait effectivement des affaires en Afrique qui ont pu impliquer Elisabeth Cons-Boutboul à des degrés divers. De toute façon, tout était sulfureux autour d'elle. Et dont l'émission aux étrangères, et je vous dis ça parce qu'on va l'écouter. Marie-Elisabeth Cons-Boutboul, elle répond à la journaliste Pierrette Bresse. Écoutez. Il y a 5 ans, quand j'ai été radiée du barreau, je ne me suis pas défendue. Et tous les membres du Conseil de l'Ordre qui étaient présents ont dit « Elle couvre quelqu'un, c'est pas possible, on n'a jamais vu quelqu'un faire une aussi mauvaise défense. » Je n'avais rien à dire parce que je ne pouvais rien dire. Si j'avais dit quelque chose, je risquais gros. Et aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, est-ce que vous avez l'intention de dire quelque chose? Aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, si Jacques m'avait parlé de ce dossier, je lui aurais dit « Vous touchez à de la dynamite ?» Ne touchez pas. Aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, Je pense que la police saura suivre du regard où il faut aller rechercher. Mais moi, de toute façon, ce dossier est classé. J'ai donné une parole. Je ne dirai rien, quitte à payer de ma personne mon silence. Isabelle Orlans, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il y a un fond de sincérité dans ce qu'elle dit. Elle a trop brassé d'affaires, elle a planqué trop de millions de francs de l'époque, elle a été l'intermédiaire entre des personnages extrêmement inquiétants, et je ne parle pas évidemment là des missions étrangères qui, elles, ont voulu profiter de la bonne dame pour récupérer des fonds et intenter une procédure, mais elle est au centre de mille et un intérêts dangereux. Effectivement, quand elle parle de dynamite, je crois qu'elle a, elle dit vrai. Elle n'est pas mégalo. On pouvait penser qu'il y avait une certaine mégalomanie. Oui. Que de... Dans le rôle qu'elle se prête. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Ça. Oui, oui. Non, mais dans le rôle qu'elle se prête, bien sûr. Mais comme vous le savez, dès lors que vous fréquentez des gens dangereux et que vous brassez des millions en leur nom, vous apprenez des choses. Et elle en savait beaucoup. Elle en savait sans doute trop. Donc quand elle dit qu'elle ne s'est pas défendue devant l'ordre, c'est vrai. Et d'ailleurs, tout le monde était stupéfait qu'elle ne se défende pas. Et je pense que c'est pour cela qu'elle qu'elle parlait de dynamite. Elle en savait beaucoup. Bon, et à partir du moment où on considère, ce qui est mon avis, que Jacques Perrault a plongé le nez dans ces affaires-là, on peut imaginer qu'effectivement, il y a bien sûr l'histoire familiale, hein, la garde d'Adrien, le divorce qui se passe mal, ça c'est sûr. Mais pour autant, fait-on assassiner son gendre pour cette seule raison familiale, ça n'est pas sûr. Je pense que Jacques Perrault a été confronté à un monceau de découvertes, y compris sur les missions étrangères, y compris sur la radiation de sa belle-mère, évidemment. Et tout ça, vous voyez, ça a été sa perte. Et ça veut dire que le conflit familial, le fait que la belle famille met des bâtons dans les roues à Jacques Perrault pour qu'il ne voit pas son fils, c'est pas ça l'important ? Bah, disons que c'est important, bien sûr. Mais quand on que ça, sait quoi. Que quand on sait l'amour que ces deux parents portaient à leur enfant, bien sûr que c'est important. Mmh. Mais tout aurait pu s'arranger. Oui, c'est ça. Surtout que Jacques Perrault avait des moyens de pression sur Marie-Elisabeth Consboudboul. Il savait qu'elle avait été radiée du barreau, donc il pouvait à tout moment révéler au grand public que sa belle-mère était une escroc. Bon, il avait des moyens de pression pour convaincre Dari Boudboul de lui laisser la garde libre, effectivement, de d'Adrien. Pour autant, voilà, je ne pense pas que ce soit cet épisode familial qui ait déterminé la volonté de l'assassiner. Je pense que c'est un tout. Et Jacques Perrault est allé trop loin. Effectivement, comme Icare, il s'est brûlé les ailes et en découvrant tout ce qu'il y avait, tous les mystères qui enveloppaient la vie incroyable de cette fausse milliardaire Elisabeth Consboudboul. Jacques Perrault a un fils qui est avocat également. On sait ce qu'il pense de ça, il s'est exprimé là-dessus. Non, jamais. J'aurais beaucoup aimé savoir. Enfin, j'aimerais toujours savoir ce qu'il en pense, parce qu'il a le double regard, bien sûr, celui du petit-fils de cette femme condamnée, mais également celui d'avocat du barreau de Paris. Et c'est vrai que ce serait intéressant, mais peut-être un jour parlera-t-il. Peut-être. Et ce sera le mot de la fin, Isabelle Orlans. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Consboudboul, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.